Chantez avec allégresse à Dieu notre force. Poussez des cris de joie au Dieu de Jacob. Intonez le cantique, frappez du tambour. Que la harpe et le luth résonnent à sa gloire. Sonnez de la trompette pour la nouvelle lune, au jour de fête au temps fixé. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il établit ce témoignage en Joseph. Quand il marcha contre la terre d'Égypte, j'entendis une langue que je ne connaissais pas. J'ai soulagé son épaule du fardeau, ses mains ont quitté la corbeille. Tu as crié dans la détresse, je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans le secret du tonnerre. Je t'ai éprouvé aux eaux de Meriba. Israël ne m'a point obéi. Je les ai livrés au penchant de leur cœur. Ils ont suivi leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, je confondrais bien vite leurs ennemis. Je tournerais